Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Yvonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et à 23h. Cette semaine, Vanoise, un parc national pour qui ? Une série de Myriam Prévost, réalisée par Annabelle Brouard. Au départ de cette série, il y a des souvenirs de randonnée à guetter le bouquetin ou la marmotte avec les pieds gelés, et il y a aussi l'envie de comprendre ce que fait un parc national à ceux et celles qui en partagent le territoire, et comment on concilie sport d'hiver et préservation de la nature. Alors pour commencer, les personnages. Un scientifique de station, un climatologue grenoblois, une femme et un projet fou, un responsable de glacier qui s'oppose, un vieux de la vieille qui a l'œil sur le développement durable et un guide dubitatif. Ensuite, le décor. Tigne, la neige qui crisse, le plan neige, les canons à neige, des flocons, des skieurs, un funiculaire, un glacier qui fond, un dôme, des glaciers bâchés, la fin du ski de masse et un fond de vallée industriel. Aujourd'hui, deuxième épisode, on ausculte le glacier. Alors, ça c'est le vieux Tigne. Donc là, vous avez le lac de Tigne, ici. Ça, c'est le refuge. C'est l'hôtel qui est ici. Et le glacier est là. Voilà, la glace qui descendait jusqu'ici. Ici, il n'y a plus rien. Le glacier est étudié par le CNRS. Sur les 35 dernières années, il a perdu 40 mètres d'épaisseur de glace. D'épaisseur. Vous voyez l'immeuble que ça fait. Il y a 3 critères objectifs qui montrent que la nature s'adapte au réchauffement. 1, le glacier qui disparaît. 2, les mélèzes, la forêt qui est en train de monter, qui était limitée à 1900, ça monte jusqu'à 2004. Et le troisième point, c'est les canards qui sont sur le lac de Tigne. Il y a 10 ans, il n'y en avait pas. Après, ils sont venus juste été-automne. Et depuis 3 ans, 4 ans, ils restent à l'année. Donc nous, vivant en pleine nature, les changements climatiques, on les voit avec les réponses de la nature. Tigne, quasiment au bout de la vallée de la Tarentaise, juste avant Val d'Isère, juste avant la frontière italienne. Sur la route, s'égrènent les noms des plus fameuses stations de ski françaises. Les Ménuires, Val Thorens, les Alus, Méribel, Courchevel, La Plagne, les Arcs, puis Tigne. Tigne Espace, qui a quant à lui déjà repris son mode de fonctionnement de saison avec une ouverture tous les jours de 10h à 21h. Tarentaise, à la poursuite de l'or blanc. C'est quand même impressionnant parce que du coup c'est vraiment la montagne aménagée de partout, où qu'on regarde. Il y a des télésièges, des funiculaires, des télécabines, des tire-fesses, des canons à neige et puis des bâtiments partout dans la montagne. Et à la fois c'est très beau parce qu'on arrive dans une montagne tout enneigée. Mais sinon, il y a un peu des écrans de partout aussi, hein, des écrans allumés avec des images de montagne, de gens qui skient. Il y a marqué joie, joy, des gens qui font du parapente en ski, de la luge, des feux d'artifice. Une ville qui est faite pour le tourisme et le loisir. Tigne a été créée dans les années 60 avec l'aide du gouvernement et de son plan neige. C'est une petite ville construite en pleine montagne, à haute altitude, pour en faire avant tout une station. Aujourd'hui, Tigne, c'est environ 2400 habitants à l'année et 30 000 lits touristiques. Là-haut, sur le glacier de la Grande Motte, à plus de 3000 mètres d'altitude, c'est le cœur du parc national de la Vanoise. L'espace protégé coexiste, une fois n'est pas coutume, avec une partie du domaine skiable de Tigne qui permet de skier toute l'année, même en été. Mais c'est devenu de moins en moins possible car le glacier fond trop vite et Tigne, dont le slogan était 365 jours de ski par an, se voit raccourcir de plus en plus ses périodes d'ouverture. L'or blanc se fait rare et en ce 20 novembre, quelques jours avant l'ouverture hivernale de la station, les canons à neige tournent à plein régime. Au pied du funiculaire, Ici, derrière nous, on a la combe de WM, qui est vraiment l'artère principale du domaine, qui permet d'accéder au glacier qui est à 3000 mètres. Le petit grésil qui nous tombe dessus, là, il vient des enneigeurs qui sont derrière nous. Enneigeurs, c'est les canons à neige. Les enneigeurs, c'est les canons à neige. Alors, d'un point de vue sémantique, la profession cherche à imposer le terme enneigeur, qui fait un petit peu moins guerrier. C'est un système qui permet de produire une neige à partir de l'eau, en la pulvérisant. Donc, c'est une sorte de brumisateur géant. L'objectif, c'est que les gouttelettes d'eau qui sont pulvérisées en l'air, elles aient suffisamment de temps en suspension pour se congeler. Et au moment où elles se déposent au sol, elles soient transformées en glace. Ici, et comme dans beaucoup d'autres stations de ski, la neige se gère, se planifie et s'entretient. C'est la matière première, c'est l'outil de production. Pierre Spendre en a fait un sujet de recherche quand il travaillait au centre d'études de la neige sur le campus grenoblois. Aujourd'hui, il travaille à la régie des pistes de Tignes. Il nous propose de nous emmener là-haut, sur le glacier de la Grande Motte. L'engin de damage qui travaille derrière nous, qu'on entend, il est sur à peu près 1 mètre d'épaisseur de neige qui n'était pas là il y a 2 jours. Et c'est 100% neige de culture. Hein. Ce qu'on a sous les pieds là actuellement, c'est que de la neige de culture. Il n'y avait pas de neige vendredi, il n'y avait pas du tout de neige. La neige naturelle, c'est ce qui est sur le côté là-bas, c'est-à-dire de la neige à travers laquelle on voit l'herbe plus que de mesure. Alors que derrière nous, on a une piste qui n'est pas très très loin d'être skiable. Quoi. On va aller récupérer vos forfaits, puis comme ça on pourra monter au funiculaire. Un flocon de neige, c'est un cristal de glace, le plus souvent à 6 branches, qui se forme dans l'atmosphère, dans les nuages, par accrétion de glace autour de souvent une petite particule qu'on trouve dans les nuages, et qui, sous l'effet de son propre poids, descend du nuage vers la surface sous forme de flocons. Il y a une infinité de formes de flocons. Leurs différences sont dues à la fois aux conditions de température, de pression, d'humidité qui prévalent dans le nuage, et à l'histoire du flocon entre le moment où il descend du nuage vers la surface. C'est une matière qui change en permanence. Le flocon se dépose sur d'autres flocons ou sur le sol. Il entame tout un processus de transformation de forme et qui, in fine, altère fortement la forme des particules individuelles qui sont les flocons. Au bout d'un moment, on ne peut plus reconnaître dans la neige les flocons individuels, ça devient un matériau pour eux. Et puis à la fin, c'est une neige qui, en général, fond. Au stade ultime de la fonte, l'eau constitutive du flocon se retrouve sous forme liquide et pénètre dans le sol et alimente les écosystèmes. La neige comme un duvet, fine, fine, fine, fine, fine, tombe et couvre le pavé d'un manteau d'hermine que chacun piétine et tout en rentrant chez soi. On dit en sourdine, qu'il fait froid, qu'il fait froid, vroom, qu'il fait froid. Moi, pour au piéton, vous n'allez pas skier, il n'y a pas de ski. Non. Ce qui se passe pour la neige dans les Alpes, c'est que les hivers se suivent et ne se ressemblent pas. On a des hivers très enneigés, on a des hivers peu enneigés, on a des décennies plus ou moins enneigées. On observe de plus en plus d'hivers peu enneigés. Et de moins en moins d'hiver bien enneigé. Samuel Morin, chercheur au Centre d'études de la neige à Grenoble. Et on a donc une tendance à la baisse de l'enneigement naturel. Et cette tendance forte de l'enneigement, elle est principalement due au fait que sous l'effet du réchauffement de l'atmosphère, en fait, il pleut de plus en plus souvent pendant l'hiver, il neige de moins en moins souvent pour la même quantité d'eau qui tombe du ciel. Vous êtes bien couvert ? On est. Combien ? Et en plus, le manteau neigeux qui s'accumule peut fondre plus souvent au cours de l'hiver, et peut fondre aussi plus rapidement à la fin d'année. D'une part parce que le stock à fondre est plus faible, et qu'en plus, la fonte est beaucoup plus efficace quand il fait plus chaud. Voilà, donc vous mettez le petit forfait à gauche, au départ du fond. Passez une bonne journée. Merci, moi aussi. Au revoir. La neige de culture, c'est pas des flocons. C'est des petites billes de glace qui sont produites par pulvérisation dans les enneigeurs. Dès lors qu'il fait suffisamment froid, les stations de sport d'hiver produisent de la neige. C'est-à-dire que la neige, c'est le matériau de base pour une station de sport d'hiver. et la neige de culture est un moyen de fiabiliser leur outil de production. C'est une dépense énergétique à l'échelle d'une station, qui est de l'ordre de quelques pourcents ou quelques dizaines de pourcents à l'échelle d'une station quand on regarde globalement les choses. C'est la production de neige de culture en termes de consommation d'énergie, par exemple, c'est pas grand chose par rapport aux remontées mécaniques. Et c'est sans doute très peu par rapport au chauffage des résidences dans lesquelles les touristes viennent s'installer dans la station de sport d'hiver. Chez moi, disent en sourdine, qu'il fait froid. Alors, ici on est en bordure du parc national de la Vanoise, et quand on va mettre le pied là-haut à la sortie du funiculaire, immédiatement on est à peu près à l'intersection avec la réserve de Champagny, une réserve naturelle, et le cœur de parc de la Vanoise, qui sont deux espaces protégés. Donc en fait, la station de Tignes est relativement ancienne maintenant et a été créée quelques années avant le parc de la Vanoise. Et donc quand cette zone a été intégrée dans la zone de cœur de parc, l'activité du glacier, l'activité du ski sur cette zone est restée parce qu'elle était déjà là. Et donc actuellement, c'est aussi des échanges qu'on a avec les instances de parc pour arriver à concilier une activité de préservation de l'environnement et de ces territoires protégés avec une activité économique. On va s'en rendre compte, on est quand même dans un environnement qui est aménagé. Ici, c'est particulièrement évident, on est à côté d'une ville avec des pylônes, des zones qui sont réaménagées l'été avec des travaux de piste, des reprofilages, du terrassement pour faciliter l'activité du ski. Le paysage autour de nous est impacté dans une certaine mesure par la présence de la station. Et quand on monte en altitude, et en particulier quand on se retrouve dans la zone cœur de parc, eh bien, cet aménagement est beaucoup plus encadré. Et donc toute l'idée, c'est d'arriver à faire en sorte de pouvoir concilier les deux activités. Voilà. Je pense qu'on peut s'approcher. On a beau être hors saison, il y a pas mal de skieurs qui se dirigent comme nous vers l'entrée du funiculaire. Ce sont pour la plupart des jeunes qui s'entraînent. Il y a de nouvelles modes, de nouveaux accoutrements. Là, on est quand même avec un public assez particulier de skieurs de compétition. Ils sont tous en collant. En fait, toutes ces équipes, c'est des jeunes, des équipes professionnelles, nationales et internationales, qui viennent s'entraîner sur le glacier, dans la mesure où actuellement en France, il n'y a qu'une seule station qui est ouverte, c'est Tignes. Même à l'échelle européenne, il y a très peu de domaines qui sont ouverts actuellement. Et puis là, on va prendre le funiculaire, mais je ne l'ai pas vu sur la montagne. Non, c'est un système, comme il en existe aussi à Val d'Isère et dans d'autres stations, qui est parfaitement souterrain. On gagne à peu près 900 mètres de dénivelé quand on part d'ici et qu'on arrive au sommet du funiculaire. Ce qui fait que, vu de l'extérieur, en tout cas, ça ne fait pas d'emprise paysagère, on va dire. C'est un système qui est très peu dépendant des conditions atmosphériques extérieures. Globalement, même quand il y a un vent très fort, ça permet de fonctionner quand même. C'est très caractéristique de Tignes, ça, ce funiculaire. Ça donne une impression très urbaine en fait, de cette station. On pourrait se croire dans un hall de métro, quoi, plus ou moins. Quand on est londonien ou parisien habitué au métro et qu'on se retrouve ici, on n'est vraiment pas perdu du tout. Donc après, évidemment, on est à la montagne, dans un environnement qui est très, très particulier, très sauvage par certains aspects. Et en même temps, ici, localement, de manière vraiment très spécifique, on a domestiqué un petit peu cet environnement, que ce soit accessible et à des gens qui ne sont pas du tout habitués de cet environnement-là. Donc effectivement, une ville à la montagne, derrière nous, le Val Claret, c'est une sorte de petit Manhattan. C'est pas du tout une ambiance de style chalet savoyard. On va faire comme dans le métro, on va dire qu'on est habitué, on va aller se placer à l'avant de la rame. Le funiculaire monte vers ce glacier qui se transforme et laisse apparaître chaque année plus de roches noires. Le réchauffement est là, et les tignards le voient tous les jours. Il faut alors réfléchir à l'avenir du ski, l'avenir de la station, et la question semble être dans toutes les têtes. Parmi les réponses, il y en a une assez spectaculaire, appelée le Ski Line, ou le Ski Dome, ou encore le Tignes Arena. C'est un projet conçu par le maire de Tignes. J'essaie d'avoir un rendez-vous avec lui pendant notre séjour sur place, mais il est malheureusement absent ces jours-là. Il est à Dubaï, parti voir une autre piste de ski indoor, comme on dit, et rencontrer ses promoteurs. C'est Stéphanie Dijkman qui nous accueille à la mairie de Tignes pour nous parler du projet. Le Tignes Arena, c'est un complexe de sport indoor, donc il y a une piste couverte de ski qui fait 450 mètres de long et également un bassin avec une vague de surf où on peut apprendre à surfer. C'est un modèle assez classique, on voit déjà dans d'autres pistes de ski en indoor. Au-dessus, il y a un espace brasserie-restaurant. On peut imaginer que c'est le papa qui va faire du surf avec ses enfants et que la maman reste au restaurant avec son chocolat chaud ou un petit vin chaud, regarder ce que fait le reste de la tribu. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une réelle nécessité de maintenir donc ce tissu économique à l'année à Tignes et avec le réchauffement climatique qu'on voit aujourd'hui, qu'on voit partout, on a des difficultés avec des ouvertures du domaine skiable. On travaille avec le parc justement sur des solutions pour essayer de garder notre glacier le plus longtemps possible opérationnel. Mais on sait tous qu'à un moment ou un autre, qu'on ne pourra plus l'exploiter tel qu'on le fait aujourd'hui ou tel qu'on l'a fait il y a des années en arrière. Et du coup, la Tignes Arena est une des solutions pour maintenir la vie économique à l'année à Tignes. Il en est où ce projet ? Je peux dire qu'on a quelques pistes au niveau du financement. Pour le moment, c'est rien de concret, mais c'est en bonne voie. Je m'appelle Jean-Louis Mongeau, je suis à Tignes depuis 35 ans. Je suis arrivé en octobre 83. Pendant 21 ans, j'étais responsable du club des sports. Tout ce qui est entraînement des jeunes pour la compétition, formation au métier de la montagne. Après, j'ai eu deux étés et automne qui étaient intéressants parce qu'il commençait à y avoir une fonte du glacier importante et les élus de la commune se sont posé des questions. Donc, ils m'ont nommé, entre guillemets, coordonnateur glacier. L'idée, c'était quelle solution on peut trouver pour pérenniser un peu le domaine. Et puis, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour contrer, entre guillemets, la fonte du glacier. Et on a vu que ça restait insignifiant par rapport au réchauffement climatique qui est énorme. Et on ne peut pas faire grand-chose, très clairement. Ou alors c'est des actions hyper ponctuelles. Sur les glaciers autrichiens, il y a une dizaine d'années, ils ont commencé à bâcher des parties de neige pour essayer de tenir. Donc effectivement, ils s'apercevaient qu'il y avait moins de fonte de neige, mais ça reste sur l'équivalent de surface comme un terrain de foot, quoi. Donc vous voyez ce que c'est les... Quand on skie, il faut de l'espace, quoi. En fait, le souci, si vous voulez, c'est que les rochers sortent. Le rocher, il emmagasine de la chaleur en journée, il la restitue aussi la nuit, ça fait comme un radiateur, donc ça accélère la fonte. Donc il y a une réflexion de dire, est-ce qu'on ne peindrait pas les rochers en blanc, par exemple. Mais là-haut, par exemple, sur Tignes, on est dans le parc national de la Vanoise. Donc très clairement, on ne peut pas tout faire, ce qui est bien. D'un autre côté, on se dit autour du glacier, là-bas, tout est déjà industrialisé. Hein, vous avez vu les remontées mécaniques, etc. Mais quoi, moi, je crois très sincèrement à la modération. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de la nature, et surtout en montagne, sur des espaces privilégiés, ouais, jusqu'où on va dans les délires. C'est pour ça que moi, je me suis opposé très clairement de suite au projet de ski indoor, qui me semble une aberration. On a créé rapidement un collectif, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde qui était opposé à ce projet, dans les locaux. Ce qui m'a fait plaisir, c'était beaucoup de jeunes, qui je pense sont beaucoup plus sensibilisés au développement durable que ma génération, parce qu'ils sont vraiment impactés. Et nous, l'idée, au départ, quand on a été contre, c'était de demander au maire qu'il organisait un référendum, dans la mesure où, quand il a sorti ce projet du ski dôme, il n'en avait pas parlé dans son programme électoral. Il a balayé d'un revers de main en considérant qu'il y a l'antécédent Brexit qui dit que les gens votent contre alors qu'ils sont pour. Donc là, il n'y a plus rien à dire. Je pense que c'est une fuite en avant, très clairement. C'est-à-dire qu'on fait du ski hors sol. Comment on voit l'avenir? Nous, on considère que le ski de masse tel qu'il existe depuis 50, 60 ans, tel qu'il est organisé dans le monde, à la vitesse du réchauffement climatique actuel, l'histoire du ski de masse tel qu'on le connaît aujourd'hui, ça aurait été un épiphénomène dans l'histoire de l'humanité. Nous, on a connu ça, c'est une chance énorme, on est des nantis d'avoir connu ça. Mais le marché du ski, il est à maturité depuis une trentaine d'années. Il n'y a pas plus de skieurs aujourd'hui en Europe qu'il y a 20 ou 30 ans. Le gros marché qui se développe, c'est la Chine. Mais si on parle des Alpes, il n'y a pas plus de skieurs qu'il y a 20 ans. Et les pratiquants ont tendance à vieillir. On touche moins de jeunes qu'avant. Et je pense qu'il faut une vraie réflexion sur le devenir de nos stations. Et je pense que ce n'est pas des gadgets type le ski line ou une vague de surf qui va changer la venue de nos clients. Il faut une vraie réflexion. Dans les années 60, donc c'est l'État, via De Gaulle, en fait, qui avait mis en place le plan neige, où il y avait une vraie réflexion. Il disait, ben voilà, il faut amener des gens qui laissent des devises un peu dans notre pays, parce qu'on a des domaines skiables à exploiter qui sont fantastiques. Au niveau national, il y avait une réflexion en disant, on va dans un sens. Il y avait une stratégie. Là, on part de tous les côtés avec ça, parce que c'est qu'une vision très, très court-termiste. C'est ma manière de voir les choses, le progrès a des limites, quoi. Et pour moi, le ski dôme, ça va, entre guillemets, dans l'ancien progrès. Et mon dernier sentiment, c'est que je crois qu'il ne se fera pas, parce que c'est énormément d'argent, et donc ils font appel à des privés. Aujourd'hui, le projet tel qu'il était monté, c'était 62 millions d'euros hors taxes. Il faut qu'ils rajoutent là-dessus le prix de la démolition éventuelle, en cas d'échec commercial. Donc vous êtes vite à 80 millions d'euros. Un investisseur qui est prêt à mettre 80 millions d'euros, il sait ce qu'un euro veut dire. Il est là pour faire de la rentabilité. Donc les gens, en faisant une vraie étude de marché sérieuse, ils verront qu'il n'y a aucune rentabilité. Zone glaciaire de haute montagne. Le franchissement des limites vous conduit dans des zones de crevasses et de barres rocheuses dangereuses. Pour votre sécurité, merci de ne pas sortir des espaces balisés. Bonne journée. Là, on est où? Alors, donc, là, on est sur le plateau du Panoramique, donc on est à 3030 mètres d'altitude. On ne voit pas tout à fait le sommet de la Grande Motte qui est un petit peu pris dans les nuages. Donc là, on est à quelques encablures seulement de la frontière italienne qui se situe derrière la ligne de crête qui est là-bas au fond. Le mont Pouilly qui est juste derrière nous, un peu pris dans les nuages. Point culminant de la Vanoise, et derrière le sommet du Mont Blanc, qu'on distingue à peine au-dessus des nuages. Vraiment tout à fait au fond. Bonjour, en arrivant, donc là, il y a 55 pisteurs sur le domaine skiable pendant l'hiver. Et donc quand il fait froid comme ça et avec un vent qui est un petit peu prononcé, on est en montagne, il y a pratiquement tout le temps du vent à peu près comme ça, les pisteurs ont ce poste qui leur permet d'être à l'abri et au chaud. Et là, il n'y a pas de canon à neige là. Alors, il n'y a pas de canon à neige autour du funiculaire et sur le glacier en particulier. Il n'y en aura sans doute jamais. À ces altitudes, il n'y a encore pas de difficultés à proprement parler liées à l'enneigement. Ce qui se passe actuellement du point de vue du changement climatique, et c'est du fait de la croissance économique et qui va complètement de pair avec la croissance de la consommation énergétique à l'échelle mondiale, et en particulier de la consommation d'énergie fossile et donc de l'émission des gaz à effet de serre, il y a une élévation de la température qui est observée à l'échelle globale et qui est de l'ordre de plus 0,8 à plus 0,9 degrés à l'échelle globale. Sur les Alpes, sur l'ensemble des massifs alpins, on observe un réchauffement, une élévation des températures qui est à peu près double depuis le début de l'ère industrielle, c'est-à-dire 1850. Et ce réchauffement, il s'accompagne en particulier dans les zones de montagne d'une élévation de la limite pluie neige, c'est-à-dire la limite au-dessus de laquelle il neige et en dessous de laquelle il ne fait que pleuvoir. Ce qui est le plus impactant pour la pratique du ski dans les zones de montagne, c'est le fait qu'il y a une centaine d'années encore, et même il n'y a ne serait-ce que 40 ans, les anciens en parlent encore, aux altitudes moyennes, on va dire, de l'ordre de 1000 à 1500 mètres, il neigeait plus souvent qu'il ne neige aujourd'hui. Ce que disent les scientifiques, c'est que à l'échéance du milieu de siècle, jusqu'à 2050, tout ce qui va se passer en termes d'évolution du climat est lié aux émissions de gaz à effet de serre qui ont déjà eu lieu. C'est-à-dire que le climat est un phénomène inertiel, c'est-à-dire comme un camion lancé sur l'autoroute, vous ne l'arrêtez pas immédiatement. À partir du moment où il est lancé, il va lui falloir plusieurs dizaines d'années, quoi qu'on fasse aujourd'hui, pour atteindre un nouvel état. Et donc, à l'échéance de 30 ans, l'élévation prévue des températures ne dépend quasiment pas des politiques internationales sur le climat. Et donc l'élévation prévue à l'échéance de 30 ans des températures, qui pourrait être de 1 à 1,5 degré supplémentaire par rapport à aujourd'hui, a toutes les chances de se réaliser d'après les résultats scientifiques. S'il n'y a aucune politique climatique envisagée à l'échéance de plusieurs décennies, ces scénarios de réchauffement de plusieurs degrés à l'échéance de fin de siècle vont se réaliser. Et aujourd'hui, on prend ce chemin-là, on ne prend pas du tout le chemin de remise en question de notre comportement face à l'énergie, et en particulier face à l'énergie fossile. Alors, ce qui est intéressant sur les territoires de montagne, c'est que c'est quelque chose qui est visible et qui est déjà une forme de réalité aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que des secteurs qui sont déjà un peu impactés, l'agriculture par exemple peut en faire partie, mais où les impacts les plus forts sont attendus dans les décennies à venir, il y a un petit temps de décalage entre les décisions qu'il faudrait prendre aujourd'hui et les impacts qu'on pourrait observer dans quelques décennies. L'intérêt de la réflexion sur le tourisme d'hiver, c'est que dès aujourd'hui, on observe déjà des changements par rapport à il y a plusieurs décennies, par rapport à il y a 30, 40, 50 ans, et on continue à les observer. Et très certainement, d'ici à 30 ans, le paysage du marché du ski en France en particulier et en Europe de manière générale va être complètement bouleversé par cette évolution du climat. Donc ça, c'est intéressant parce que, de ce point de vue, le ski et les territoires de montagne sont effectivement des zones un peu expérimentales où, pour la première fois, on va vraiment visualiser l'impact que peut avoir le changement climatique sur les activités humaines, et en particulier sur un secteur très important économiquement dans la région. Et si demain, cette économie venait à être mise à mal par le changement climatique, eh bien, à la manière d'autres secteurs d'activité, comme l'activité minière à la fin du 19e siècle, par exemple, s'il y avait l'abandon de cette activité-là sans avoir de reprise d'une certaine économie, qu'elle soit touristique ou autre, ça remettrait en question de manière assez fondamentale les modes de vie des gens dans ces territoires de montagne. Alors ici on est à Tignes, on est sur un territoire qui est de haute montagne. L'activité du ski sur le domaine de Tignes va perdurer pendant plusieurs décennies, ça c'est une certitude. D'abord parce que l'activité aujourd'hui est très robuste, et aussi parce qu'on est sur un des domaines qui va être impacté le plus tard et qui potentiellement pourrait, dans un premier temps, bénéficier de l'arrêt de l'activité de, d'autres domaines de plus basse altitude. Ceci dit, pour revenir sur l'activité de ski d'été et sur la zone glaciaire derrière laquelle on se situe, la dernière étude qui a été réalisée pour mesurer les épaisseurs de glace, par exemple, sur l'ensemble de ce glacier, ont montré qu'il y a quelques dizaines de mètres d'épaisseur au plus de glace sur ce glacier. C'est tout à fait envisageable que ce glacier disparaisse dans quelques décennies, mais les grandes difficultés pour l'activité du ski d'été ici à Tignes, ce sera bien avant. Et ce sera sans doute plutôt à 10 ans qu'à 50 ans. Mais quoi faire? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui est quand même dans son confort. Par exemple, chaque ratraque, les ratraques, c'est les dameuses. Chaque dameuse, chaque nuit, quand elle travaille, elle brûle 200 litres de gazoil. 200 litres, c'est une baignoire. Vous prenez votre bain, vous mettez 200 litres d'eau. Pour mettre des pistes en super état. Alors, pour les pistes de débutants, en super état damé, je le comprends. L'autre jour, je suis tombé sur une photo de 1989, de la pente qui est ici, la pente de Tauvière. Et je me souviens, quand je suis arrivé à Tignes, c'était sans arrêt bosselé. Parce qu'il y a trop de pentes pour que ce soit damé. À l'époque, maintenant, vous savez, quand il dame avec des treuils, qui n'existaient pas à l'époque. Mais tout le monde était très content de ce qui est dans les bosses. Et aujourd'hui, non, on dame systématiquement, parfaitement toutes les pistes. Est-ce que justement, il y a une station de haute altitude qui osera dire à ses clients, on va baisser un peu de confort? On va damer un jour sur deux certaines pistes ou une piste sur deux tous les jours au lieu de tout damer parfaitement. Moi, je pense que les gens qui viennent dans nos stations, ils sont sensibilisés à ça. Et je suis sûr que, là, on va parler de com, hein, mais ça serait une com qui pourrait marcher auprès de ce public. Dire, ben voilà, on va vous faire perdre un peu de confort, mais en échange, on va essayer de faire attention. L'activité des canons à neige, elle est souvent montrée du doigt ou critiquée. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Quand on gère un domaine skiable, en fait, on est à la croisée de dimensions qui sont très diverses. Il y a une dimension environnement, on est dans des espaces protégés, des espaces d'exception. Quand bien même on n'est pas dans un espace protégé, la montagne est un espace d'exception. C'est bien pour ça que les gens viennent. Il y a une dimension socio-économique. Il y a 7 pisteurs qui sont derrière nous, qui travaillent aujourd'hui, qui sont des gens de la vallée, qui arrivent à se maintenir localement dans ces vallées dans lesquelles il faut bien garder en tête qu'il y a 50 ans, l'exode rural avait fait que ces vallées s'étaient complètement vidées. Donc il y a une industrialisation, dans une certaine mesure, des fonds de vallée. Mais les villages de Val d'Isère, de Tignes, par exemple, il y a 50 ans, étaient réduits à très peu de gens. Pour ces gens-là, et pour moi, qui suis ici pour ça aussi, ça a du sens de s'interroger sur comment on fait pour maintenir cette activité ici. Parce qu'en fait, cette problématique de l'activité du tourisme d'hiver et de l'activité du ski, pour moi, elle n'a de sens que pour les gens qui y travaillent. Si demain, les gens qui font du ski l'hiver décident de changer d'activité, parce qu'ils ont plutôt envie d'aller faire du surf au Maroc, à la limite, moi, ça me va bien. Mais là où ça va avoir vraiment du sens, c'est pour ceux qui travaillent ici. Donc aujourd'hui, la neige de culture, c'est effectivement une dimension qui interroge beaucoup. Elle interroge parce qu'il y a une dimension environnementale, on prélève de l'eau, on consomme de l'énergie. Elle a une dimension économique parce qu'elle permet de fiabiliser l'activité des domaines skiables sur une partie de l'année. Et donc, elle est un petit peu à cette croisée de chemin, dans un compromis entre est-ce qu'on prélève et est-ce qu'on exerce une contrainte supplémentaire effectivement en prélevant de l'eau et en produisant de la neige, mais en apportant, en fiabilisant une activité économique qui est importante pour les gens qui y travaillent, ou bien est-ce qu'on favorise, on va dire, le respect de l'environnement, ou du coup on s'interdit ces prélèvements et cette production de neige, mais que du coup, on renvoie ces gens chez eux et on les embauche peut-être un mois plus tard, dans un premier temps, et puis peut-être que dans 20 ans, ce sera 2 mois plus tard. Donc, dans le milieu des années 70, ça ne posait pas question. Il y a eu, au moment de la construction vraiment des stations, l'enneigement était excellent pendant 10 à 15 ans. Mais ça, ça n'a duré que très peu de temps. Et donc, il y a un équilibre à trouver entre le prix que ça coûte, les contraintes que ça pose sur les prélèvements en eau, sur la consommation en énergie, et l'intérêt que ça présente du point de vue de l'exploitation du domaine skiable. Et cette réponse-là, elle n'est pas la même partout. Pour être tout à fait franc, il y a déjà des domaines sur lesquels, si on se pose vraiment la question, la réponse, c'est que la neige de culture n'est pas pertinente. Et ça, c'est vrai dans pas mal de domaines. À moyenne altitude et sur des domaines skiables où l'activité est déjà relativement difficile d'un point de vue financier, donc sur ces domaines-là, et ils sont relativement nombreux, il faut se poser la question aujourd'hui de la pertinence d'investir dans de la neige de culture. Si c'est investir dans des équipements qui n'apporteront rien, autant ne pas le faire. Et autant essayer d'investir sur qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de neige. Quand on est sur des domaines d'altitude comme ici à Tignes, la problématique est un petit peu différente. On n'est pas dans un village de proximité d'agglomération ici. Si les gens ne viennent pas pour faire du ski, qu'est-ce qu'on va trouver pour les faire monter ? Globalement, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment. Ça, c'est pas mon métier. Moi, aujourd'hui, je travaille sur la sécurité des pistes. Mon domaine, c'est la neige et l'activité de la régie. Je ne travaille pas sur la diversification de l'activité touristique ou sur la diversification de l'économie locale. Ce n'est pas mon métier. Mais la grande question sur ces domaines d'altitude, c'est qu'ils ont été créés à une époque où il n'y avait rien sur ces domaines-là. On a créé des villes qui sont capables aujourd'hui d'accueillir 25 000 personnes en pleine saison, alors que c'était des alpages jusqu'à présent. Est-ce que ces villes à la montagne vont trouver une deuxième raison d'être, un second souffle ? Quand bien même les services publics sont présents sur la station, si demain l'activité ski disparaît, le facteur, la police municipale et la mairie redescendront également. Donc il y a une dépendance qui est beaucoup plus forte qu'elle ne peut l'être dans d'autres endroits. Il y a des études qui ont été faites encore, je crois, cet automne. Ils disaient quand même 25% des familles qui venaient au ski, sur les 10 dernières années, ont arrêté par rapport aux tarifs. Après, nous, par exemple, à Tignes, on est quand même dans des stations où ski coûte cher. On ne voit pas des gens sans budget, c'est impossible. Vous voyez le prix de l'hébergement, le prix des remontées mécaniques, le prix des cours de ski, le prix de la restauration. C'est exactement quand vous allez en été sur la Côte d'Azur. En échange, vous avez quand même une qualité de service, un domaine énorme. Mais on peut faire du ski dans des petites stations où c'est encore abordable. Mais la petite station, elle est en basse et moyenne altitude et elle n'a plus la garantie neige. Le Tignes existe quoi ? Il est déjà très aménagé et assez aménagé. On construit depuis les dernières années beaucoup de lits. Il est projeté d'en construire encore 5000. Ouais, ça reste du très très court terme. Alors tout le monde dit que c'est urbanisé, de toute manière on n'est plus à ça près. Ouais, ok. Donc comme m'a dit un jeune un jour, il m'a dit, mais à ce compte-là, Jean-Louis, pourquoi on ne met pas des résistances dans le lac de Tignes ? On pourrait se baigner dedans. Le ski est arrivé à maturité depuis longtemps, et dans toutes nos stations, on continue le développement comme dans les années 70. Bon les gars, ouvrez les yeux quoi. Alors quoi faire ? Pallier au réchauffement à grand renfort de canons à neige et d'équipements réfrigérés ? Ou se préparer à la fin du ski ? Et qui va décider que c'est la fin du ski ? Et que vont devenir les remontées mécaniques ? Et d'ailleurs, est-ce que c'est beau un télésiège rouillé, suspendu dans le silence de la montagne, au-dessus d'une pelouse pleine de fleurs ? L'été, quand les skieurs sont redescendus, le glacier vit ou peut-être revit. Il est un patrimoine naturel pour le parc de la Vanoise, mais il est aussi un produit à rentabiliser pour Tignes. Pour continuer à l'exploiter, un projet touristique a été mis en place avec le parc. Le téléphérique de la Grande Motte, version cabriolet. Ça s'appelle Altitude Expérience. Cette toiture terrasse fait la fierté de la station. Le parc accompagne alors la Société des téléphériques de la Grande Motte pour une offre touristique dite plus douce ou plus responsable. On perçoit mieux et on enregistre mieux l'information quand elle est liée à une émotion. D'où l'idée de mettre une passerelle qui va permettre de mettre les gens dans le vide, entre guillemets. En limitant l'impact sur le paysage et le milieu, en y associant pédagogie et éducation à l'environnement. Elle transportera ses premiers visiteurs en juin 2019. Nous redescendons. Tignes est derrière nous et la vallée se déroule et apparaît un peu plus industrielle et grise. Tignes fait partie de ces communes de Tarentaise qui, en 2015, ont rejeté la charte du parc de la Vanoise. Elles ont préféré ne pas faire partie de l'aire d'adhésion pour pouvoir s'affranchir, disent-elles, des réglementations et législations qu'impose un parc national et être libres de se développer comme elles l'entendent. Pourtant, pour la première fois, Tignes collabore avec le parc de la Vanoise. Mais l'initiative semble être toute petite face à une industrie touristique énorme qui n'a pas l'air de vouloir s'arrêter en si bon chemin. Le parc, curieusement, est ressenti partout comme quelque chose de très très bien. Vous le verrez partout dans les cartes postales, vous le verrez dans les dépliants, en disant « venez chez nous, il y a le parc ». Content d'attacher ça à sa boutonnière en disant « oui, on est dans le parc ». Mais si le parc doit être une contrainte, ah non, pas là. Hervé Billard. Alors on en arrive là à complètement la politique touristique. Référent Pôle Montagne à la FRAPNA. Des communes, des stations. Des fois, il faut faire la différence parce que les stations ne sont pas forcément des extensions de village. Donc il y a des stations qui sont créées ex nihilo, des très grandes stations, qui sont rentrées avec leur blanc, qui a donc date des années 60, dans une partie business. C'est quand même à Courchevel où on arrive à réserver toute une piste de ski ou une partie du domaine skiable pour la journée, pour soi tout seul. On est dans le gigantisme, où effectivement on est très attentif aux chiffres d'affaires, aux bénéfices et tout ça. D'autant plus que les opérateurs en plus deviennent privés. Les communes sont presque dépossédées un peu de leur territoire et de leur politique. Il y a des opérateurs privés qui viennent finalement faire le maximum de business parce qu'il n'y a pas de frein. Ni en extension territoriale. On était à un moment dans la seule chose qui prévalait, c'est de devenir la plus grande station du monde. Comme si la grandeur faisait amener plus de clientèle. Aujourd'hui, c'est presque un peu le contraire. Et aujourd'hui, alors qu'il faudrait changer de modèle, faire évoluer le modèle, on n'en change pas. Soi-disant, on s'adapte, mais on s'adapte avec le même modèle, qui est toujours un modèle économique, consumériste. Donc, il faut pouvoir équiper tel endroit si on a envie de l'équiper, et y compris au détriment de l'environnement. Même si on parle de développement durable, en fait, dans le développement durable, économie sociale et environnement, sincèrement, économie est largement majeure. Et dans l'économie, je dirais, il y a en plus une question primordiale qui est l'immobilier. C'est l'immobilier qui domine. Aujourd'hui, on cherche même plus à récupérer des lits qui sont sortis du secteur marchand. Il faut créer des nouveaux. Ça veut dire quoi, des lits nouveaux exactement ? Alors, des lits nouveaux, c'est des lits qu'on appelle marchands. Ça veut dire qu'effectivement, c'est soumis à la location. La location, soit sous forme d'hôtel, soit sous forme de résidence de tourisme, soit sous forme même de particulier à particulier. Vous offrez un hébergement à quelqu'un pour une durée donnée. Alors, la question des résidences de tourisme qui ont été créées d'une manière massive il y a plus d'une vingtaine d'années sont arrivées aujourd'hui, généralement, au terme de cette période où les propriétaires, même individuels, se trouvent en fin de bail, se retrouvent à récupérer, à avoir à récupérer leur logement. Son propriétaire sont sur les bras, les logements sont plus aux normes, correspondant à la demande aujourd'hui de standing des nouveaux, et donc deviennent des lits froids. Au lieu d'essayer de rénover ces lits froids, eh ben, les promoteurs immobiliers disent « mais non, c'est pas grave, on va construire des nouveaux lits, donc des hôtels, des nouvelles résidences pour particuliers, tout ça, etc. » Avec le changement climatique, l'ensemble de ces milieux sont déjà atteints, que ce soit l'eau, que ce soit la biodiversité, que ce soit la forêt, que ce soit l'agriculture, et donc forcément le tourisme. Donc il faut trouver un juste équilibre. Si on n'y fait pas attention, si on ne crée pas de parc, si on ne crée pas de réserves naturelles, etc., tout sera artificialisé. Aujourd'hui, il y a déjà une bonne partie du territoire, je crois que c'est de l'ordre de 10% de la montagne, qui est artificialisée. Donc, jusqu'à où cette conquête? Bon, un de ces jours, on montera en téléphérique au Mont Blanc. Pour y faire quoi? Pour dire, ah, oh, c'est joli. Bon, puis on redescend. C'est un projet qu'il y a sur un des sommets à côté de la Grave. Ça ne veut pas dire qu'on nie qu'il y a un poids important économique qui a été développé depuis 50 ans. C'est vrai que c'est, je crois, 1,2 milliard de chiffre d'affaires. C'est 50% du PIB de la Savoie. C'est 70 000 emplois. On n'est pas naïf. On sait que l'activité, si elle n'était pas là, créerait des tas de problèmes de désertification, comme l'a fait l'agriculture, comme l'a fait l'industrie, et que y aurait des problèmes d'emploi, il y aurait même des problèmes d'habitants. Donc, quand on fait du ski qui n'est plus abordable par n'importe quel Français, on peut se poser la question, c'est-à-dire qu'il y a quand même une déviation de l'idée originelle d'activité en montagne, et la montagne n'attire pas. C'est 8% des Français aujourd'hui. On peut se poser la question, pourquoi c'est 8% des Français? Pourquoi il n'y en a pas plus? Donc il faut trouver un équilibre dans tout ça. Et c'est pour ça que l'idée d'appliquer la notion de développement durable à la montagne nous plaisait bien. Mais à condition que les trois termes du développement durable, économique, social et environnemental, soient équilibrés. Le développement économique, c'est ce que veulent les communes. Peut-être encore plus maintenant que la neige se fait rare. Alors en montagne, les possibilités d'activité se multiplient. Les sports de plein air ont la cote. Cascades de glace, via ferrata, canyoning, en hiver ou en été, une offre diversifiée et des sensations fortes. L'environnement est un lieu de loisirs et ce divertissement se paye. Et le parc dans tout ça? Le parc, il s'intéresse aussi aux touristes. La charte du parc de la Vanoise était une main tendue pour faire du libéralisme, m'a dit un jour son ancien président. Alors ce parc, il tente de se faufiler entre une montagne qui marche au tourisme et une préservation de l'environnement. Au parc, on y vient en mode doux, on y marche, on y dort en refuge, on redescend ses poubelles, on y lit des panneaux pédagogiques sur la faune et la flore. Mais on ne peut pas le survoler en parapente, on ne peut pas y faire du chien de traîneau. On regarde, on observe, on respecte, on profite de l'espace exceptionnel, du calme, et on tente de se ressourcer. Avalanche. Mais juste de l'autre côté de la frontière du parc, est-ce que c'est toujours la même montagne? Le parc de la Vanoise, il y a le cœur, mais après il y a le reste du territoire. Il y a des échanges en fait entre tout ça, et c'est pas juste un truc à mettre sous cloche, quoi. C'est un peu la contradiction du parc, quoi. C'est d'un côté, il faut avoir ce cœur de parc complètement préservé, etc. En même temps, il y a ces interactions avec la zone qui est autour. C'est un peu étonnant de vendre un truc sauvage et complètement préservé à côté des plus grosses stations de ski qui existent, en fait. Victor, accompagnateur en moyenne montagne. Après, les parcs nationaux, c'est toujours un peu bizarre au final. D'isoler, alors on n'est peut-être pas non plus dans un modèle à l'anglo-saxonne où c'est carrément fermé avec une taxe d'entrée, etc. Et des rangers qui vérifient en permanence si on fait le bon geste ou pas. On n'en est pas là, mais c'est sûr qu'il y a un côté... au final, moi, ça me plaît pas forcément, l'idée de parcs nationaux, quoi. Si c'est la seule façon d'arriver à préserver des espaces, pourquoi pas, mais après, c'est... Si c'est pour faire n'importe quoi autour, c'est un peu étrange. Comment, du coup, sortir de ce truc où on continue, en fait, à bétonner la montagne? Alors, même s'il y a, là, en ce moment, des réductions, par exemple, des câbles, des pylônes, de certaines infrastructures, parce qu'ils ont amélioré la capacité, etc. Mais on est exactement dans l'air du temps, quoi, dans la société actuelle, où on va... améliorer, performer en fait ce qui existe, mais c'est jamais pour le remettre en question, et du coup c'est un peu avoir mis tous les œufs dans le même panier pendant 50 ans, 60 ans de politique de développement de la montagne, des plans ski, des plans neige, etc. Et puis voilà, alors après maintenant il y a plein de problématiques, que ce soit environnemental, que ce soit les loyers qui sont hors de prix, les générations plus jeunes des stations qui peuvent plus s'héberger dans les vallées parce que en fait c'est juste impossible, quoi. Certaines vallées ça monte à 6, 7, 8 000 euros le mètre carré. On est sur des prix de beaux quartiers parisiens, donc après c'est qu'est-ce que ça laisse quoi comme tout ça quoi, tous ces bâtiments, tous ces est-ce que c'est la seule possibilité de vivre en montagne? Apparemment voilà, c'est difficile en fait de critiquer ce fonctionnement-là, le tourisme-là, parce que en fait tout le monde est partie prenante en fait, moi aussi, et du coup. Quand je suis en montagne, la plupart de mes amis, ils sont gardiens de refuge. Je connais des bergers, je connais des charpentiers qui bossent l'été pour faire les chalets pour l'hiver, qui ont remonté mécanique, l'office du tourisme, enfin, tout le monde guide d'autres montagnes. Enfin, voilà, tout le monde fait partie de cette économie-là. Du coup, non, il ne faut pas trop critiquer ça, quoi. Ou en tout cas, c'est le critiquer, ça reste de surface, quoi. C'est-à-dire, on va... On a mis, je sais pas moi, une zone piétonne dans telle station de ski, ou etc. Enfin bon, c'est un peu de... On va faire de l'enrobage un peu écologique sur des choses qui sont en fait bien plus graves que ça, quoi. Grandir, par exemple, en fond de vallée, que ce soit en Tarentaise ou en Maurienne, il n'y a pas la même histoire en fait. Du coup, c'est intéressant aussi d'avoir de croiser un peu les regards et fond de vallée où c'était plutôt ouvrier, du coup avec les usines qui étaient en fait avant le développement des stations de ski, qui étaient le moteur économique de la Savoie en grosse partie, parce qu'on captait l'eau des montagnes avec la force de l'eau, on a fait tourner les machines, transformer cette eau aussi en électricité. Quand les industries ont décliné, et ben du coup, l'or blanc qui était, on va dire, plutôt l'eau, c'est devenu l'or blanc de la neige, quoi. Et du coup, c'est plus forcément la même population, c'est plus le même développement, et les populations qui étaient, par exemple, en fond de vallée, en plaine, elles ont vu leur espace décliner, enfin, en tout cas, économiquement, et c'est à l'inverse, tout s'est concentré... en haut, et du coup des fois on tente de le minorer, quoi. Quand on arrive, c'est juste une voie d'accès, quoi. Là, le fond de vallée, on arrive, on prend l'autoroute ou le train et on débarque à la gare de Modane ou de Moutier, et puis on se rend en Vanoise. Mais avant, il y a toute une histoire aussi, quoi, et qui est aussi une histoire de montagne, et que la montagne c'est pas juste des stations de ski et des bouquetins qui nous regardent quand on passe en marchant, quoi. Tarentaise, à la poursuite de l'or blanc. Avec Jean-Louis Mongeau, Pierre Spendre, Samuel Morin, Stéphie Dijkman, Hervé Billard et Victor. Merci à Christian Vincent, Jean Vogt et Jacques Muller. Prise de son, Hélène Langlois et Mathieu Tourin. Mixage, Bernard Lagnel. Un documentaire de Myriam Prévost, réalisé par Annabelle Brouard. But the fire is so delightful. Since we're no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I poured some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. So long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter sur le télésiège, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Bolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur toutes les plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième épisode, un parc national contesté.